Voici mon homme de tantôt, plutôt ciel qu'il pût se résoudre à vouloir rendre témoignage au père et à la mère de ce qu'ils ne veulent point croire. Vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais tant recommandé de ne point parler et qui me l'aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur et vous allez redire tout ce qu'on vous a dit en secret. Moi ? Oui. Vous avez été tout rapporté au mari et vous êtes cause qu'il a fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue et cela m'apprendra à ne vous plus rien dire. Écoute, mon ami. Si vous n'aviez point babillé, je vous aurais conté tout ce qui se passe à cette heure. Mais pour votre punition, vous n'en saurez rien du tout. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien. Ben voilà ce que c'est que d'avoir causé. Vous n'en tâterez plus. Et je vous laisse sur la bonne bouche. Arrête ! Non, point. Je ne te veux dire qu'un mot. Non, non, non, non. Vous avez envie de me tirer les vers du nez ? Non, ce n'est pas cela. Quelque chose, je vous vois venir. C'est autre chose. Écoute ! Point d'affaire. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à Claudine et qu'elle l'a mené chez sa maîtresse, mais je ne suis pas si bête, hein. De grâce, je te donnerai. Tarare, tarare, tarare. Je n'ai pu me servir avec cette innocente de la pensée que j'avais. Mais le nouvel avis qui lui est échappé ferait la même chose. Et si le galant est chez moi, ce serait pour avoir raison aux yeux du père et de la mère, et de les convaincre pleinement de l'effronterie de leur fille. Le mal de tout ceci, c'est que je ne sais comment faire pour profiter d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle. Et quelque chose que je puisse voir moi-même de mon déshonneur, je n'en serai pas cru à mon serment et l'on me dira que je rêve. Si d'autre part, je vais quérir beau-père et belle-mère sans être sûr de trouver chez moi le galant, ce sera la même chose. Et je retomberai dans l'inconvénient de tantôt. Pourrais-je point m'éclaircir doucement s'il y est encore ? Il n'en faut plus douter. Je viens de l'apercevoir. Le sort me donne de quoi ici confondre ma partie. Et pour achever l'aventure, il fait venir à point nommé les juges dont j'avais besoin. Oh. Ah. Ah. Enfin. Vous ne m'avez pas voulu croire tantôt et votre fille l'a emporté sur moi. Mais j'ai en main de quoi vous faire voir comme elle m'accommode. Et Dieu merci, mon déshonneur est si clair maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon gendre, vous êtes encore là-dessus ? Oui, j'y suis. Et jamais je n'eus tant de sujet d'y être. Vous nous venez encore étourdir la tête. Oui, madame, et l'on fait bien pis à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre important ? Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes ? Non, madame, mais je voudrais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Jour de Dieu, notre gendre. Apprenez à parler. Corbleu ! Cherchez des termes moins offensants que cela ! Marchand qui perd ne peut rire. Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Je m'en souviens assez et ne m'en souviendrai que trop. Alors si vous vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Mais que ne songe-t-elle plutôt à me traiter plus honnêtement ? Quoi ? Parce qu'elle est demoiselle, il faut qu'elle ait la liberté de me faire ce qui lui plaît sans que j'ose souffler. Qu'avez-vous en ? Et que pouvez-vous dire ? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler ? Oui. Mais que pourrez-vous dire, vous, si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle ? Avec elle ? Avec elle. Et dans la maison. Dans votre maison ? Oui, dans ma propre maison.

Claudine? Claudine? Où est-ce que tu es? Claudine? J'ai entendu descendre ma femme. Non. Et je me suis vite habillée pour descendre après elle. Claudine? Où peut-elle être allée? Serait-elle sortie? Où es-tu donc, Claudine? Ah, te voilà. Par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé, hein? Et je trouve ceci aussi drôle que les coups de bâton de tonton dont on m'a fait récit. Ta maîtresse dit qu'il ronfle à 7 heures, comme tous les diantres, et il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Ah, je voudrais bien savoir de quoi il songe maintenant. Cela est tout à fait risible. De quoi s'avise-t-il aussi d'être aussi jaloux de sa femme? C'est un pandard. Et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Tu ne dis mot, Claudine. Allons. Suivons-les. Et me donne ta petite menotte que je la baise. Ah, que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. Oh. Tu bleu, comme vous y allez. Oh, voilà une menotte qui est bien rude. Qui va là? Personne. Il fuit et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Allons, il faut que sans tarder, j'envoie appeler son père et sa mère et que cette aventure me serve à me faire séparer d'elle. Oh là ! Colin ! Colin ! Monsieur ? Allons vite, ici bas ! M'y voilà, on peut pas plus vite. Tu es là ? Colin ! Monsieur ? Doucement, par le bas, écoute. Va-t'en chez mon beau-père et ma belle-mère et dis que je l'ai pris très instamment de venir tout à l'heure ici. Entends-tu? Hé, hey, Colin! Colin! Monsieur? Où diable es-tu? Ici! Oh, peste soit du maroufle qui s'éloigne de moi, je te dis que tu ailles de ce pas trouver mon beau-père et ma belle-mère et leur dire que je les conjure de se rendre ici tout à l'heure. M'entends-tu bien? Monsieur ? Réponds, Colin ! Oh, le traître ! Je pense qu'il me fuit. Assurément. Veux-tu venir ? N'ai ni ma foi. Viens, te dis-je. Point, vous voulez me battre ? Eh ben non, je ne te ferai rien. Assurément ? Oui, approche, approche. Là. T'es bien heureux de ce que j'ai besoin de toi. Va-t'en dire de ma part et prier mon beau-père et ma belle-mère de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront et leur dire que c'est une affaire de la dernière conséquence. Et s'ils faisaient quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque pas de les presser et de leur bien faire entendre qu'il est très important qu'ils viennent en quelque état qu'ils soient. Tu m'entends bien maintenant ? Oui, mais, monsieur. Va vite et reviens de même. Et moi, je vais rentrer dans ma maison, attendant que... Mais j'entends quelqu'un. Ne serait-ce point ma femme ? Il faut que j'écoute et me serve de l'obscurité qu'il fait. Adieu. Il est temps de se retirer. Quoi ? Si tôt ? Nous nous sommes assez entretenus. Madame,

la Pandarde s'est retirée, voyant qu'elle ne gagnait rien après moi, ni par prière, ni par menace. Tant mieux ! Cela rendra ses affaires encore plus mauvaises, et le père et la mère qui vont venir en verront mieux son crime. La porte est fermée. Oh là ! Oh ! Quelqu'un ! Qu'on m'ouvre promptement ! Comment ? C'est toi ? D'où viens-tu, bon Pandard ? Est-il l'heure de revenir chez soi quand le jour est prêt de paraître ? Et cette manière de vie était celle que doit suivre un honnête mari ? Cela est-il beau d'aller ivrogner toute la nuit et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme dans la maison ? Comment vous ? Va, va, traître ! Je suis lasse de tes déportements. Et je m'en veux plaindre sans plus tarder à mon père et à ma mère. Quoi ? C'est ainsi approchez que vous osez... Approchez de grâce ! Et venez me faire raison de l'insolence la plus grande du monde. D'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Et vous a lui-même envoyé quérir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on ait jamais ouï parler. Le voilà, qui revient, comme vous voyez, après s'être fait attendre toute la nuit. Et si vous voulez l'écouter, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi, que durant qu'il dormait, je me suis dérobée d'auprès de lui pour m'en aller courir et sans autre compte qu'il est allé rêver. Voilà une méchante carogne. Oui, il nous a voulu faire accroire qu'il était dans la maison et que nous étions dehors. Et voilà une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Comment ? Mais qu'est-ce à dire de cela ? Voilà une furieuse impudence que de nous envoyer quérir. Jamais ! Non, mon père ! Je ne puis plus souffrir un mari de la sorte. Ma patience est poussée à bout et il vient de me dire sans paroles injurieuses. Corbleu, vous êtes un malhonnête homme. C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la façon et cela crie vengeance au ciel. Peut-on ? Allez, vous devriez mourir de honte. Laissez-moi vous dire de vous. Vous n'avez qu'à l'écouter, il va vous en compter de belles. Je désespère. Il a tant bu que je ne pense pas qu'on puisse durer contre lui. Et l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Monsieur mon beau-père, je vous conjure. Oh, mais retirez-vous ! Vous puez le vin à pleine bouche. Madame, je vous prie. Ne m'approchez pas, votre haleine est empestée. Souffrez, que je... Mais retirez-vous, vous dis-je. Permettez. On ne peut vous souffrir. De grâce. Ah, vous m'engloutissez le cœur, parlez de loin si vous voulez. Eh bien oui, je parle de loin. Je vous jure que je n'ai bougé de chez moi et que c'est elle qui est sortie. Ne voilà pas ce que je vous ai dit. Vous voyez quelle apparence il y a. Allez, vous vous moquez des gens. Descendez, ma fille. J'atteste le ciel. Venez que ici. J'étais dans ma maison. Taisez-vous, c'est une extravagance qui n'est pas supportable. Que la foudre m'écrase tout à l'heure si je... Ne nous rompez pas la tête davantage et songez à demander pardon à votre femme. Moi, demander pardon? Oui, pardon. Et sur le champ! Je... Mais corbleu, si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de jouer, se jouer à nous. Oh, Georges Dandin. Allons. Venez, ma fille. Que votre mari vous demande pardon. Moi ? Lui pardonner tout ce qu'il m'a dit ? Non, non, mon père. Il m'est impossible de m'y résoudre. Et je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Le moyen d'y résister. Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale. Vous devez vous montrer plus sage que lui. Et patienter, encore une fois. Comment patienter après de telles indignités ? Non, mon père, c'est une chose où je ne puis consentir. Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche. Vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur. Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures. Mais quelque violence que je me fasse, c'est à moi de vous obéir. Pauvre mouton. Approchez. Tout ce que vous me faites faire ne servira de rien. Et vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. Nous y donnerons ordre. Allons. Mettez-vous à genoux. À genoux ? Oui. À genoux, et sans tarder. Oh, ciel! Que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner. Madame, je vous prie de me pardonner. L'extravagance que j'ai faite. L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde. Et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu, si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort. Voilà le jour qui va paraître. Adieu. Entrez chez vous et songez bien à être sage. Unum amour, allons-nous mettre au lit. Je le quitte maintenant, et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on n'a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau, la tête, la première. Jour d'Annette, j'entendis la voix qui sur la musette chantait dans nos bois. Amour, amour, si sous ton empire je souffre des maux cuisants, je souffre des maux cuisants. Je le puis bien dire puisque je le sens. Je le puis bien dire puisque je le sens. La jeune Lisette au même moment sur la voix d'Annette reprit tendrement. Amour, amour, si sous ton empire je souffre des maux cuisants, je souffre des maux cuisants. C'est de n'oser dire tout ce que je sens. C'est de n'oser dire tout ce que je sens.